travaille toute la semaine. Pour ça la vie capoté. Tous les jours c'était chargé. Problème tracas tous les jours. Mais j'ai arrivé. J'arrive à passer le jour avant moi. Souliers en moi j'assure. Pour moi aller souké. Souké souké. Pas un